de la chope sauvadeur. Tu t'es salope à toi, se fait aller. Je vais la rejoindre à l'heure. Chouchou que je récupère un salaire. Un gros billet. Pour l'instant, ça se passe. Je suis resté serein, vrai, humble et pisse. C'est toujours. Du moment que je grippe ma pièce, c'est le Seven Bass a pris toute la place. Et toutes les couleurs, toutes les saveurs. Les saveurs. Faut mettre le bon prix pour que tu savoures. Tu savoures. Mon cerveau n'est plus, je me suis servi. Je me suis jamais mélangé au super. À peu près, c'est nous qui la ramenons. Mettons, c'est YouTube qui nous rémunère. Nous paye. Et coupe, y'en a assez pour toute la vie. Que je l'attrape par les vœux. Ce que je veux, c'est chez crainte dans sa bouche. C'est chic qui nous a rendu moche. Les faux payeurs qui nous rendent fous. Les descentes de cup sur le four. Le menteur, j'en fais rentrer tard. Si t'es mon frère, je tire, je te donne mon dossier. T'es un traître. T'as cru qu'on allait se raconter nos vies jusqu'à quand? Dans mes DM, j'arrive pas à choisir la quête. Je regarde encore et j'avoue d'appeler Panaken. Si elle veut ma queue, je vais la ramener dans le premier hôtel. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'étais rien, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles pendant que je roule un dernier joint. D'abord moi c'est ma dos et ensuite je m'occupe de toi. C'est vrai, l'argent rend beau, plus de groupes, plus de pubs, mes poches se remplissent. Remplis, ouais. Des groupes que j'ai jamais vu, non. Moi, c'est ne jamais voir ça dans ma vie. Ma vie, ouais. Et peut-être tu disais vrai. Tout tu disais. Ouais, mon frère, tu disais vrai. Mon frère, tu disais vrai. Toujours croire en ses rêves et travailler dur pour y arriver. Even. Des fois, je repense aux bugs, aux règles de la gare, au manque de détails. Détail, ouais. Et dans les jours de neige, il faut faire des lacs, les barrettes se cassent. Casse, ouais. Je suis toujours dans le fond du bug. Surtout après le passage d'un autre clico. J'ai pas retourné ma veste. Veste tu veux avec les mains, demande aux autres. Fais deux plaies dans la piscine, complètement rabat. Tu diaconais, médaille pas de caisse ben. Tu le seul à bédave dans l'hôtel. Je sais que je vais lui mettre. Avant de nous coucher, je retire la montre. J'allume un dernier pet avant de l'envoyer éteindre la lumière. T'as cru qu'on allait se raconter nos vies jusqu'à quand? Dans mes DMS, j'arrive pas à choisir laquelle. Je regarde encore et j'avoue de la plus bonne à Ken. Si elle veut ma queue, je vais la ramener dans le premier hôtel. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'étais vieux, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles, pendant que je roule un dernier joint. D'abord masse ma dos, et ensuite je m'occupe de toi. Une fois arrivé, tu sais ce qui va se passer. Si moi j'étais vieux, c'est pas pour te regarder. Tu te déshabilles, pendant que je roule un dernier joint. D'abord masse ma dos, et ensuite je m'occupe de toi. Si je m'occupe de toi. Et ensuite je m'occupe de toi.